rap de référence. Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planet Rap avec Fred. Ce soir, Planet Rap spécial Magic System. Et oui, en direct, le Magic System est sur Skyrock. Bienvenue messieurs, yeah, comment ça va? On n'est pas fatigué, hein? Si, vous êtes fatigué. Non. Même pas fatigué? Même jamais, jamais de la vie. Bon, donc ça va bien pour le Magic System? Ça va, on s'en fait pas. À 4 jours de la sortie? Exact. Lundi 19 mai? Yeah. Qu'est-ce qu'il faudra faire lundi 19 mai? Se diriger directement dans les bacs parce qu'il y a African Nima Vote qui est là. L'album de Magic System, nouvel album pour Magic System qu'on découvre tous les soirs de la semaine, ouais, entre 20 et 21 avec le hashtag Magic System sur Skyrock, avec les images qui sont dispo sur le skyrock.fm pour mater l'émission évidemment. Ce soir dans l'émission des extraits de l'album je suppose. Oui, ouais. Encore beaucoup d'extraits puisque c'est un album de 15 titres. Ouais, c'est vrai. Et on a eu plaisir toute la semaine à le présenter aux auditeurs et... J'espère que ça rencontrera l'assentiment de tout le monde. Et ben, j'espère aussi pour vous. On va débuter avec le Magic in the Air, mais juste avant, on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir dans l'émission. Hier soir, il y avait des invités, ça donnait ça. Ça va bien, messieurs? Ça va. Il y a rien pour le moment. Il y a rien pour le moment. Voilà, ça c'est la nouvelle expression qu'on a lancée depuis lundi dans Planet Rap. Il y a rien pour le moment. C'est le quiz lexique Magic System. Par exemple, si je dis on va gâter le coin. Je savais que t'allais dire ça, c'était sûr. Alors c'est quoi? On va gâter le coin. Il va... Et ben voilà, un zéro. Ouais, mais c'est ça que je voulais dire, mais non. Ah, tu avais l'image, mais tu n'avais pas le son. S'envoler plus haut. On y va. Allez, c'est parti. Sobaba, Sokuba, Kuba, Sobaba. C'est qui? Sobaba, Sobaba. Chéri, Coco, Timran, Dengue, Dengue, Dengo. On m'a dit que tu voulais du show. Ah bon? Donc voici ce soprano. Chéri, Coco, faut pas blaguer. C'est une affaire de Dolce Vita. On est là pour le show. Voilà, c'était hier soir dans l'émission avec Aïna qui est passée. Oui, Aïna, soprano. Avec l'écrivain, pardon. Oui, ouais. notre ami écrivain, soprano, qui est passé. Franchement, on voulait leur dire merci hier parce qu'il y avait une belle ambiance. Et ils sont venus nous soutenir, on a passé une belle soirée ensemble. Qui a continué jusqu'à tard dans la nuit d'ailleurs à Paris. Oh là, je veux pas savoir. Vous êtes bien marré, en tout cas. Vous êtes bien marré. Ouais, tu veux pas savoir. Tu veux rien savoir, donc. Si jamais je pouvais savoir, vous me le diriez. Non. Ok, il n'y a rien pour le moment. Il n'y a rien pour le moment. Bon, bah, bienvenue à vous tous. On va débuter comme chaque soir avec le morceau de Magic System. C'est le morceau Magic in the Air. Ah oui. Ahmed Chaouki qui est passé aussi cette semaine. C'était mardi dans l'émission. Mardi, ouais. Et ben, on le retrouve à vos côtés. Et d'ailleurs, featuring Ahmed Chaouki, mais le petit bout de chou qui est sur le morceau aussi. Ouais, le petit bout de chou, c'est le bout de chou de. De Red One. Ah, de Red One. Voilà, c'est le producteur du son, ouais. C'est le producteur du son qui a trouvé le petit bout de chou. Et c'est bien. Et bah c'est très bien même. D'ailleurs c'est lui qui ouvre le morceau. Ouais. Allez c'est parti. Feel the magic in me, yeah. Aïe, levez les mains en l'air. Allez. Feel the magic in me, yeah. Aïe, levez les mains en l'air. Allez. Feel the magic in me, yeah. Magic System. Red One. Chaouki. Feel the magic in the air. t'as nos mambo. Mon ami, si tu as le niveau, rejoins-nous pour t'enjailler. Magic System avec Magic in the Air à l'instant sur Skyrock entre 20h et 21h. C'est extrait de l'album Africainement Vôtre. Cet album, on le découvre et vous pouvez même repartir avec dédicacé par l'équipe du Magic System. J'ai une petite question toute simple. Attention. On y va. Si vous avez la réponse, vous envoyez un message au 41759 avec le hashtag Magic System sur Skyrock. Prêt, question. Quelle est l'expression trouvée dans Planète Rap depuis lundi? Simple. Oui, très simple. Très très simple. Très très simple. Super simple. Très simple. Allez-y, 41759 avec votre prénom, numéro de téléphone et album dédicacé du Magic System. À choper Magic System qui vont aussi bientôt partir en tournée. Hein. Oui. On l'a dit, il y a une date qui est le 13 septembre prochain à l'Olympia. Le 13 septembre, rendez-vous africainement à l'Olympia pour donner un show. Parce que ces dernières années, nous n'avons pas beaucoup joué à Paris. Oui, c'est vrai. Les gens vous réclament. Voilà. Ils ont besoin de faire la fête aussi ici. Ils ont besoin de faire la fête aussi. Surtout ici, si même à Paris, je veux dire. Voilà. Et donc, le 13 septembre, on va répondre à cette question. C'est-à-dire donner un concert comme Paris ne l'a jamais vu. Donc, il faut retenir cette date. C'est le 13 septembre à l'Olympia. Voilà. Et après, on sera en tournée dans toute la France. Parce que le 31 mai, on a deux halls. Donc ça c'est 31 mai là, hein, tout de suite. Ouais, 31 mai, là on est en 2014 là. Oui. Hein, 31 mai, ça va loin. Parce que là on est bouclé jusqu'à avril 2015. Mais les grosses dates de cette année, c'est 31 mai à Déol, 4 juillet à Bagnols-sur-Cèze, 13 septembre à l'Olympia, 1er octobre à Albi, 2 octobre au Zénith de Pau, 3 octobre à la Médocine ou à Bordeaux, 4 octobre aux aînés de Limoges. Les 10 et 11, nous serons à Bamako. Retour à le Mali. Voilà, le Mali. Le 29, nous serons au Palais des Congrès à Abidjan. Donc, c'est la Côte d'Ivoire. 12 décembre, nous serons à Nice. Le 20 décembre, nous serons au Cameroun. Le 16 janvier, nous serons à Tours. Le 17, là, on est en 2015. Ouais, ça y est, on est parti en 2015. Voilà. 17 janvier, nous sommes à Caen. Le 6 février, à Rouen. 7 février, au Zénith de d'Amiens. Et 20 mars, au Zénith de Nantes. 21 mars, à Angers. 3 avril aux aînés de Lille pour dire que voilà, c'est que la tournée live, ça c'est avec nos musiciens, c'est du live que nous allons donner. Et puis bon, après il y a la tournée showcase aussi, pour accompagner la sortie de l'album un peu partout en France. Et après, il y a, bon, je crois qu'il y a Strasbourg, Marseille, Lyon, Grenoble et Annecy qui viennent de s'ajouter à l'instant pour la tournée live. Donc, vous êtes connecté à l'instant même, il y a les dates qui se rajoutent. Il y a des dates qui se rajoutent. À l'instant même. Strasbourg, Marseille, Lyon, Grenoble et Annecy viennent de s'ajouter aux dates. Bon, voilà. Voilà, pour faire la fête partout dans toute la France avec Magic System. C'est ça. Donc Magic System, c'est évidemment vous quatre sur scène. Il y a des musiciens aussi sur les grosses tournées, sur les grosses dates. C'est toute une équipe. Magic System à la base, c'est un gros collectif. C'est un gros collectif. C'est vrai qu'il y a quatre chanteurs, c'est les quatre chanteurs qu'on voit. Mais lors de notre tournée de Zénith en 2012, les gens ont pu découvrir qu'est-ce que c'est Magic System, parce que c'est vraiment une bande qui se déplace, quoi. Il y a plus de 15 personnes qui se déplacent autour de nous, des musiciens, des ingénieurs et tout ça. C'est un spectacle compliqué que nous donnons. Voilà. C'est pour ça que vous êtes déjà en répète en ce moment. Là, c'est bien sûr. Pour bien tout préparer. On prépare tout, parce qu'il faut donner un nouveau spectacle. Donc ça bosse dur pour le Magic System. Exact. Et avec cet album qui sort lundi, qu'on découvre tous les soirs de la semaine entre 20 et 21, on va peut-être remettre un morceau maintenant, extrait de l'album. Ouais, on va Qu'est-ce qu'il vous dirait? Ben, j'ai envie de dire ma mélodie. Ma mélodie? Ah oui, ma mélodie. Voilà. Vous êtes d'accord? Tout le monde est d'accord? D'accord. T'as d'ailleurs? Il n'y a rien pour le moment. Chut, c'était la question. On peut pas te faire confiance, ça le fait. Tu balances les infos comme ça. Mais oui, mais je sais, ça arrête pas de défiler. Alors, je répète la question. Quelle est l'expression trouvée dans Planète Rap depuis lundi? Si vous avez la bonne réponse, et là, c'est vraiment très, très, très, très, très simple. Un petit dernier message, 41759, avec votre prénom, numéro de téléphone. Et là, on écoute le morceau, ma mélodie, tout de suite. La la la la, yeah. C'est l'histoire d'une petite go. La la la, yeah. Qui a voulu fatiguer le gaou magicien. La la la, yeah. Elle m'a rendu fou. La la la, yeah. La première fois, j'ai posé mes yeux sur elle. Elle était parfaite, oui, juste comme dans mes rêves. Elle est cette belle mélodie qui fait danser mon esprit. Elle est cette belle symphonie, cette petite voix qui me suit. Elle m'a mis jusqu'à oui. Dans ma tête, c'est gâté. Elle a pris contrôle de moi. Dans mon cœur, ça fait poton, poton. Elle m'a mis jusqu'à oui. Dans ma tête, c'est gâté. Elle a pris contrôle de moi. Dans mon cœur, ça fait poton, poton. Ma mélodie dans ma tête, elle est là, elle fait la la la la. Elle me berce toute la nuit. Dans ma tête, elle est là, elle fait la la la la. Elle est ma mélodie dans ma tête, elle est là, elle fait la la la la. Elle me berce toute la nuit. Dans ma tête, elle est là, elle fait la la la la. Paille-moi, c'est pour la vie. Paille-moi, on est ensemble. Pour moi, tu vaux plus que l'or. Bébé, permets-moi de t'approcher. Ta beauté me rend zinzin. Au fond de moi, j'peux pas résister, oh oui. J'peux pas rester loin, loin de toi. Bébé, j'ai besoin de toi, tu vois. J'peux pas rester loin, loin de toi. J'ai soif de toi, yeah. Elle m'a mis jusqu'à oui. Dans ma tête, c'est gâté. Elle a pris contrôle de moi. Dans mon cœur, ça fait poton, poton. Elle m'a mis jusqu'à oui. Dans ma tête, c'est gâté. Elle a pris contrôle de moi. Dans mon cœur, ça fait poton, poton. Elle est ma mélodie. Dans ma tête, elle est là. Elle fait la la la la. Elle me berce toute la nuit. Dans ma tête, elle est là. Elle fait la la la la. Elle est ma mélodie. Dans ma tête, elle est là. Elle fait la la la la. Elle me berce toute la nuit. Dans ma tête, elle est là. Elle fait la la la la. Paille-moi, c'est pour la vie. Paille-moi, le collègue. Album complet de Mac Bracata. Elle Mac Bracata, la gola Mac Bracata. Elle Mac Bracata, Bracata, Bracata, Bracata, Bracata. Elle Mac Bracata. Elle est ma mélodie dans ma tête, la la la la la la la. Elle me berce toute la nuit dans ma tête, la la. Yeah. Le cœur a des raisons qu'ignore la vraie raison. À l'instant, le morceau qui s'appelle Ma Mélodie et qu'on retrouve sur l'album du Magic System. Nos invités tous les soirs de la semaine entre 20h et 21h. On mettra un outil tout à l'heure, il y aura du live aussi avec le Magic System. On va faire un petit jeu entre vous, ouais. Entre nous, ouais. Assez simple, ça va être pour parler un petit peu l'actualité. On va se baser sur un des morceaux, vous vous souvenez évidemment d'un des gros cartons du Magic System. Le C'est chaud, ça brûle, ouais. Tout le monde se souvient de celui-ci, ouais. Donc la question ça va être c'est chaud ou pas par exemple. Est-ce que c'est chaud ou pas d'être ambassadeur de l'UNESCO? C'est chaud. Ça brûle. Ça brûle. Ça pique. Ça pique. Non, un petit mot quand même pour rappeler justement que tu fais plein de bonnes choses pour l'UNESCO et que vous faites d'ailleurs tous plein de bonnes choses. Il y a une OP avec un ballon, on en a parlé un petit peu hier, Sopra a dédicacé ainsi que ouais. Plein d'autres d'artistes, footballeurs. Il y a plus de 50 personnalités qui ont dédicacé cette balle, des joueurs de Manchester City, d'Arsenal, du PSG, de Marseille, de Saint-Etienne. Tout le monde, il y a eu même des animateurs qui ont aussi participé à cette opération qui va nous permettre de revendre ces balles-là qui ont été jonglées par toutes ces stars, ces balles dédicacées aux enchères sur le net, et les fonds qui seront recueillis iront directement à l'UNESCO pour financer des projets sur l'éducation et l'alphabétisation en Afrique. C'est ça aussi le rôle d'ambassadeur qui nous est assigné. Donc c'est chaud, mais dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme. Voilà. Bon, les nouveaux réseaux sociaux, tout ce qui est les Twitter, Facebook, Instagram, machin, est-ce que c'est chaud ou pas chaud pour Magic System? C'est toujours chaud. Grosso modo, c'est pas un truc que vous utilisez beaucoup aussi. Mais vous n'êtes pas totalement à fond dessus. Non, c'est le seul groupe qui ne fait pas gérer ses réseaux sociaux à part le Facebook du groupe, hein, mais qui ne fait pas gérer ses réseaux sociaux par des administrateurs. Nous, on est au contact direct avec nos fans. On essaie plus ou moins de partager notre quotidien avec eux, de répondre à leurs préoccupations et à leurs réponses. Et je crois que c'est cette proximité-là qui fait peut-être que nous sommes encore là avec eux pendant 15 ans, quoi. Voilà. Donc ça, c'est chaud les réseaux sociaux. C'est chaud. La Coupe du Monde au Brésil. Ça brûle. C'est chaud, ça brûle. Aïe, aïe, aïe, ça brûle. Hein. Bon, petit pronostic, vous allez forcément soutenir les éléphants. On est obligé, c'est la famille, c'est le pays, on est obligé. Donc les éléphants en finale. Pourquoi pas, Inch'Allah. On va prier. C'est pas facile. Là, ça brûle fort. Ça sera très beau de voir Côte d'Ivoire-France. Ce serait pas mal. Ce sera pas mal, mais voilà. Je pense pas que ça. Maintenant, ça va être chaud quand même. Voilà, c'est chaud. Et puis la dernière question, c'est africainement vôtre. C'est chaud ou... C'est chaud et ça brûle. C'est chaud et ça brûle. Ouais. C'est l'album du moment qu'il faut avoir, celui-ci. Ah ouais, il faut l'avoir. C'est plus qu'un médicament. En principe, ça doit être remboursé par la Sécu. Ah bah, il faut essayer. C'est un album thérapeutique. Bon courage. Voilà. Vous pouvez toujours envoyer votre ticket de caisse. Je suis pas sûr du retour, mais vous mettez un petit mot en disant j'ai acheté ça va beaucoup mieux. Voilà. Je ne suis plus malade. Remboursez-moi l'album. On peut toujours tenter. Allez-y. En tout cas, l'album il sort lundi. On peut le précommander aussi dès maintenant. Hein, ceux qui achètent, bah tiens justement sur les réseaux sociaux et surtout enfin sur la partie business d'internet, ceux qui préfèrent l'avoir en digital ou en physique, bah il y a les deux supports qui sortent dès lundi. Mm-hmm. À pas louper africainement vôtre. Qu'est-ce qu'on écoutera messieurs dans quelques minutes? Ben, j'ai envie d'écouter là où tout le monde devient fou là. Tu es fou? Ah ouais. Là. Nous aussi nous sommes fous? Ah ouais, parce que tout le monde doit être fou. Pour oublier tous ses soucis et tous ses problèmes, il faut être fou. Eh ben allez-y, dans un instant on balancera ce morceau et puis on va filer aussi la réponse dans l'une d'entre vous qui repart avec un CD dédicacé. Quelle est l'expression qui a été lancée depuis lundi dans le Planet Rap? C'est nous qui répondons. Oui, vous répondez. Merci de me suivre, les gars. Hein. On a appris que c'était une question. C'était destiné. Non, mais. Alors, attention, je repose la question. Il n'y a rien pour le moment. Voilà. Quelle est l'expression lancée? Il n'y a rien pour le moment. Eh ben voilà. Il n'y a rien pour le moment. Eh ben si, il y a un peu de pub et on revient dans quelques minutes. Bougez pas avec le Magic System sur Skyrock, c'est nos invités toute la semaine. Comme toi, Magic System a choisi Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Ziggy X. I got one more problem with you, girl. Hey. And no time I'll be forgetting all about you. You saying that you know, but I really, really doubt you. Understand my life is easy when I ain't around you. Iggy, Iggy, too biggie to be his present. I'm thinking I love the thought of you more than I love your presence. And the best thing now is probably for you to exit. I let you go, let you back, I finally learned my lesson. No half stepping either, you wanted it, you just playing. I'm listening to you knowing I can't believe what you're saying. It's a million you, baby boy, so don't be dumb. I got 99 problems, but you won't be one. Like what? C'est Skyrock et à l'instant Rihanna Grande avec Iggy Azalea, la révélation rap qui nous vient d'Australie. À l'instant 23 ans, elle est sur le morceau Problème avec Big Sean. Et les Magic System sont là avec nous tous les bonjour soirs. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Je travaille. Magic System, ils sont tout le temps occupés en fait. Quand ils sont pas sur scène, ils sont en studio. Quand ils sont dans le studio de Planète Rap, ils sont sur les réseaux sociaux en même temps. Ils sont partout. Ouais, c'est ça. Non, j'étais en train de voir quelque chose. Mais ça va, je vois que les gens ils nous suivent beaucoup. C'est les fans qui envoient des messages, on est content. Et bah voilà. Continuez à envoyer des messages aussi avec le hashtag Magic System sur Skyrock. C'est l'heure du freestyle par téléphone maintenant. Ah, on passe le morceau Tu es fou avant. On m'a dit qu'on passe le morceau Tu es fou. Il y aura le freestyle juste après. Freestyle par téléphone. Donc ce morceau, ça c'est un des gros morceaux, un des gros titres de l'album Africainement Vôtre. Celui-ci, le morceau s'appelle Tu es fou. Tu es fou. Nous aussi on est fou. Et bah ça tombe bien, on le balance maintenant. Magic System. Yeah. On va décoder. Ah bon. Tu es fou. Nous aussi on est fou. C'est ça. On y va. Oublie tes problèmes et ton stress. Faut jamais baisser les bras. Donne-toi la force d'aller plus loin. Il est temps pour toi de bouger. Alors ensemble, on va danser pour oublier tous nos amis. Qu'est-ce que tu attends, on va chanter. C'est parti pour tuer. Tu es fou, nous aussi on est fou. On va décoller, on va s'enjailler. votre histoire cesse de fleurir. Dis-toi, rien ne peut te stopper. Chaque monde à tes pieds. Alors ensemble, on va danser pour oublier tous nos ennuis. Qu'est-ce que t'attends, on va chanter. C'est parti pour durer. Tu es fou, nous aussi on est fou. Béni, béni na mouna content, content na mouna sauté, sauté na mouna, eh, sauté na mouna, eh, sauté na mouna, eh, sauté na mouna, eh, sauté na mouna, eh, sauté na mouna, sauté na mouna, sauté na mouna, eh, sauté na mouna, eh, sauté na mouna, sauté na mouna, sauté na mouna, tu es fou. Tu es fou, nous aussi on est fou. On va se jaler, oh, on va déconner, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tu es fou, nous aussi on est fou. On va se jaler, oh, on va déconner, oh. Bon, tout le monde n'est pas fou, les gars. Tu es fou. Bravo. Vous n'avez pas besoin d'un cinquième membre dans Magic System. Je me sens chaud, là. Ouais, j'ai entendu ta voix tout à l'heure. Ça va, ça va. Il y a quelque chose à faire, mais dehors. C'est ça, hein. Exact. Exactement. Vous, c'est venu comment, d'ailleurs, le chant, vous, Magic System? C'est depuis tout petit, depuis tout jeune, vous chantiez? Ben, ça a commencé après l'école, mais... On avait entre 9, 10, 11 ans, on imitait des artistes comme Alpha Blondy. Bah oui. Voilà, il s'est parti comme ça. Et une référence, Alpha Blondy, bien sûr. Ouais. Donc pareil, vous chantiez. Oui. Tous. Oui, tous, ouais. Tous, on chantait. Ouais, vous faites à la base, quand vous ne pouvez pas aller à l'école sans chant. Au lycée surtout, il fallait chanter pour soutenir voilà, notre école quand on était en compétition sportive. Et voilà, c'est de là que tout est parti. On a pris plaisir à cela et puis bon. On nous appelait les Woyons. Voilà, et les Woyons, nous sommes devenus des Zoulous, c'est ça. Est-ce qu'à un moment, vous avez dans un petit coin de votre tête l'idée de faire carrière, justement? Jamais. Est-ce qu'à un moment, vous auriez pu vous dire, bah voilà, 20 ans après, l'histoire continue, on est toujours là, on sort des albums, on remplit des zéniths, et puis après des stades aussi en Afrique, enfin, ouais. Même dans le monde entier d'ailleurs pour Magic System. Ouais. Jamais à aucun moment, vous aviez cette idée-là? Bon, déjà, on n'avait pas pensé devenir des artistes. Mmh. Ben, on n'avait pas ça en tête. On faisait notre petit au quartier. On animait des funérailles, des baptêmes. Et puis, à un moment, on a fait sortir, chez nous, on dit des cassettes. Mmh. Ben, ça n'a pas trop marché. On était découragés. Mmh. On est resté dans notre petit coin. Et puis, un jour, on s'est décidé. Nous sommes allés en studio. On allait faire premier Gaou. Et voilà le résultat. Ouais. Voilà. Ça doit, c'est ça qui est fou en fait, de se replonger un peu dans l'histoire et de se dire maintenant quand vous voyez là, on annonçait tout à l'heure les zéniths, quand il y a des zéniths qui sont archi blindés, où mais tous les gens font la fête. Enfin, si on avait pensé à tout ça, on serait pas là aujourd'hui. Parce que penser à tout ça, c'est se mettre une pression. Nous, on est allé à la cool, hein, et puis les choses se sont faites seules. Seulement après, on a pris conscience qu'il fallait pas dormir sur ses lauriers, il fallait travailler pour aller plus loin que cela. Et puis à un moment donné, sans nous rendre compte, on est devenu le porte-flambeau de tout un continent qui voulait qu'on le représente valablement. Donc c'était une personne supplémentaire qui nous amenait maintenant à bosser dur pour que chaque fois que Magic System parte quelque part, qu'on parle de l'Afrique. C'est vrai que la musique nous amenait un peu partout, aux États-Unis, en Asie, même en Ouzbékistan. Ouzbékistan. Voilà. Wow. Donc, dans toutes ces contrées du monde. Et je crois que voilà, c'est, nous on prend du plaisir, quoi. Moi je dis toujours, nous on n'est pas venu à la musique pour faire des disques d'or ou des disques de platine. En même temps, si jamais il y en a quelques-uns. On refuse pas non plus. Voilà. On refuse pas non plus. Mais on est venu partager ce qu'on a. On a envie de donner du bonheur, du sourire aux gens. Parce que vous savez pas ce que ça fait de, pendant 15 ans, de toujours donner du sourire, de toujours donner, de mettre du baume dans le cœur des gens et tout ça. C'est ce qui nous fait plus plaisir. Nous, on prend plus plaisir à égayer les gens qu'à se faire de l'argent. Mais ça, on vient vous voir souvent après les concerts ou quand on vous croise dans la rue et tout, on dira, ah, Magic System m'avait fait du bien à tel moment de ma vie. Sur les réseaux sociaux, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Vous nous mettez de la pêche, vous nous donnez du bonheur, vous nous mettez de la joie au cœur. Et je crois que ce sont tous ces compliments-là qui font la richesse du Magic System. Justement. Nous ne sommes pas en quête, nous ne courons pas derrière les chiffres, nous ne courons pas derrière des disques d'or, même si on en a. Mmh. On court pas derrière, mais bon voilà, voir 5000 personnes en train de danser, en train de s'égayer. Peut-être qu'il y a des gens qui étaient près du suicide il y avait deux jours de cela, mais à écouter Magic in the Air, ça leur a donné l'espoir de revivre et tout. Et voilà, c'est ça. Et c'est le plus important dans la carrière d'un artiste, l'effet que votre musique peut faire sur les gens. C'est ça qui est le plus important. Tiens, dites-nous, vous, l'effet que ça vous fait Magic System quand vous écoutez un morceau de Magic System, vous envoyez avec le hashtag Magic System sur Skyrock au 41759. Alors toutes les réactions qui vont défiler, on est avec Lyric Punchliner de Metz. Lyric Punchliner, bienvenue. Lyric Punchliner, ouais, c'est moi. Lyric Punchliner. Eh ben bienvenue. De Phare, quoi. Bon, on a dit Metz parce que ça rentre mieux sur la carte, mais à la base, on vient de Phare. Eh ben, tu peux le dire, d'où ça vient, vas-y. C'est... Donc, on vient de Phare, 57-450. Donc, c'est à proximité de Metz et je me présente Lyrica Punchliners. Pour ceux qui me cherchent, je suis sur Facebook, L-Y-R-I-C-K, Punchliners, espace P-U-N-C-H-L-I-N-E-R-Z. Eh ben, terrible. Terrible, Lyrica. Punchliner qu'on va écouter aussi pardon. Terrible que Magic System, non. Bah si, attends. On va t'écouter maintenant. C'est parti, c'est sur Facebook. Je suis aussi fou. Ouais. Ah ouais. On est aussi fou. Ah ouais. Bon, donc on est fou ensemble alors. On est fou ensemble, y'a pas de souci. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Ah. Non mais tu sais pas ça le code hein. En plus, j'avais pas d'unité. Dis-moi. À toi aussi, c'est... téléphone, j'avais pas d'unité. Mais à toi aussi, c'est arrivé. C'est arrivé aussi. Allez, bah, on va profiter des unités parce qu'en plus, on t'a rappelé. Donc, on va en profiter, Lyrica Punchliner. Et on va t'écouter rapper. Allez, c'est parti. Je te remercie. Ouais. Ouais. Si tu vois, on se connaît, non? Yeah. 57-450, c'est de la région de Metz, Strasbourg, c'est pour vous, quoi. Ok. Yeah. 45-0, prod, ça part. Hey, ok, ça fait. Ouais, aïe, entrez dans le rap, tu portes. Tu portes. Tu portes. Tu sais, je suis entré dans le rap, tu portes. Puis j'ai mis les rebelles à l'écoute encore. Rapport, on m'a quitté ces rapports. Attends, j'attends rien de ces bâtards. Passage, j'en veux pas que la pute. Elle parle mal, je reste de la pute. Ils font plein pour compter ta thune. Ne plaît, qu'on se lève, jamais qui tue. T'as la tête dure ou la tête qui tourne. Violent comme les gens qui t'entourent. Des obstacles sur ton parcours. Un justice nulle part, les fils sont partout. Y'a pas de goût, t'inquiète, je trompe pas. Dans nos roues, y'avait des combats. T'as qu'un sorti à mes nez et tes sèvres. Je te prends pour te voir plonger dans le noir, dans les divers. Ouais, je suis décalé à ce qui. Quand tu as vu à l'univers ici, les gens bambouillent des ta vie la nuit, ta fatigue, entre alcoolique et libertine. Pour ça, arrêter de tromper sa mère, c'est plus dur d'arrêter la nicotine. Photo, je suis venu prendre ma place, les autres veulent plus séparer. Tu leur vis dans un monde de fou, pour une club, tu prends une cartouche. Non, même pas pourquoi faire un bavage quand tu dépôts. La femme serrer la main, si tu me donnes mon blague dans ta dépôt. Ouais, y'a pas de main, ouais, ici c'est pas. Je suis dans la mêlée, je suis délicat, Lyrica, on arrive là, t'en promènes, j'ai Ok, c'est pas live, Schman, Kestar, Galactique, t'es un passant, t'as fait des élèves dans ton quartier, tu crois dans le futur à présent, attends quand tes problèmes arrivent, débarque après la tempête, ouvre ta bouche, tu payes le tarif, tu crois en fou, je suis incomplète, la nuit, je me perds le tour de ma ville, souvent je rentre tard le matin, combien dans tout, pour ça en réir, quand j'ai sur les routes de l'Allemagne, ça rentre, ça passe, de commentaires, trop de choses, tu sais pas comment vivre, je veux faire du mal, sans commentaire, mais faire du bien, faut qu'on me remercie, je suis à l'ombre, la routine matin, je suis comme tous ces types qui attendent, que l'argent tombe du ciel, la haine, du tag, et des clients. Prends la poudre des scampettes, prêt à vendre la poussière. Tu t'envoies la peine meuf de pousser mon fils, ma fille dans la poussette. Tu sèmes 45-0 proche, le diamant noir t'estime. Pas parle-nous d'ici, parle-nous de strip, je te parlerai de Rifa. J'écris la page, t'es pas quoi, on est capable. Vaut mieux mourir comme un homme que passer sa vie à quatre trucs de folon. Lyrica Punchliner à l'instant, en freestyle, bravo. Wow. Lyrica Punchliner. Bravo et merci à toi. Et ben voilà, en direct de où, de la maison là? Ah, on est direct là, je suis au studio, je suis retourné là-bas. Ah bah ok, bah écoute, bon courage pour la suite. Merci à vous, et je le rappelle pour ceux qui nous ont écoutés, ajoutez-moi sur Facebook, Lyrica Punchliner, l'album il sort le 26 mai, Galactic et Dreamers, donc voilà. Et bah ça roule. Bonne chance, enfin. Et vous êtes en Magic System. Merci. Là, on est fous, quoi, ici. On a entendu Magic System, on est devenus fous. Merci à toi, Lyrica Punchliner, à l'instant. Voilà l'effet que ça fait Magic System. Hein. Ouais. Tu es fou, ça rend fou. Et je voyais les messages défiler en disant voilà, il me remonte le moral, moi, le Magic System. C'est ça qui est la vérité, Magic System. En disant, tout à l'heure, il y avait un message aussi qui est arrivé en disant c'est fou parce qu'ils apportent toujours du bonheur, plein de bonnes choses. Ben voilà, c'est pour résumer un petit peu les messages. Voilà, ça c'est une richesse. Et ça, on n'a pas besoin de vendre des millions d'albums. Déjà, ce qu'on donne, c'est ça. La vraie valeur d'un être humain, c'est ça, c'est le partage. Voilà. Et là, c'est un partage le 19 mai prochain, à la sortie de l'album Africainement Vôtre. Avant de passer au live d'Africa dans quelques minutes, peut-être qu'on peut remettre un autre titre. Ouais, pourquoi pas. On a le titre. Voilà, moi j'ai envie d'ambiancer quand même. J'ai envie d'ambiancer les gars avec le zouglou pur. Okay, zouglou là, pur. Est-ce qu'on peut aller avec du zouglou pur? Est-ce qu'on peut avoir une session de zouglou pur? Ouais, de l'ambiance facile. Ouais. On va aller avec Soumalélé. Soumalélé. Qu'on traduit d'ailleurs Soumalélé. Soumalélé. Non, ben... Qu'on traduit. C'est l'ambiance facile. Soumalélé, c'est-à-dire, chez nous, quand on dit à Souma, c'est-à-dire, on va moulo moulo. À Souma, yo. Non, pas Souma, c'est à Kouba, yo. À Kouba, oh merde, je me confonds tout, putain. Non, là, on dit Soumalélé, Soumalélé. Voilà. Soumalélé, allélé, Souma, oh. Soumalélé, allélé, Souma, allé, Soumalélé. Soumalélé, allélé, Souma. Soumalélé, allélé, Souma. Soumalélé, allélé, Souma, oh. Soumalélé, allélé, Souma. Soumalélé, allélé, Souma. Soumalélé, allélé, Souma. Ah, il me dit ça va être chaud, hein. Soumalélé, allélé, Souma. Magic System. Yeah. 19 mai dans les bacs. Des glaçons. Soumalélé, allélé, Souma. Soumalélé, allélé, Souma. Angela Gavila, est-ce que tu peux? Non. Christian Obrou, tout avec le zouk, tout est foutu. Et puis, si tu joues avec le zouglou, tu es foutu. Si tu joues avec le zouglou, tu es foutu. Faut jouer avec le zouglou, tu vas voir. Si tu joues avec le zouglou, t'es foutu. T'es foutu. Ah, voilà. On joue pas avec le zouglou. On joue pas avec le zouglou. Quoi. Yeah. Il faut le ressentir, il faut bouger avec le zouglou. C'est ça. C'est ça qui est la vérité. C'est ça. C'est marrant, il y avait un message qui arrivait, tiens, regarde, qui disait. Tiens, il est où? Je voudrais dire, c'est Zoulette qui nous envoie ça. Fred, je voulais dire que quand même, les Magic restent toujours aussi soudés. Ils font pas de zik en solo. Ils restent tous les quatre et ça, c'est cool. Ouais. Et c'est vrai que vous êtes un groupe. Il y a quand même des projets un peu pour chacun d'entre vous. Vous faites aussi d'autres choses, d'autres respirations en dehors du groupe, en dehors de Magic System. Non, je crois qu'on est bien ensemble. Non, on est bien ensemble. Ah, il faut les garder le Barça. Il y a Messi qui est fort, il y a Xavi qui est fort. Il y a tout le monde, il y a Iniesta, il y a tout le monde. Mais ils sont obligés de jouer à 11 parce que ça donne une belle cohésion. Mm. Voilà, et nous c'est comme ça. Et comme en musique, il n'y a pas de carton rouge, on va continuer à 4. Par contre, qui est le meilleur danseur de Zouglou là dans l'équipe? Mais ça, ça le fout. Ah, ouais. Ça c'est moi. Ah ouais, c'est ah ouais, ça. Juste le zouglou. C'est parce qu'on n'est pas en télé, sinon j'allais me. Et après couper, décaler, tout ça. Y est... Tino. Ah, ça c'est Tino. Il a l'air surpris, Tino. Salut. Ah ouais, toi c'est la spécialité. Et vous deux ben... Ça va. Balaja, lui, danse du zouk. C'est pas mal aussi. Ouais. Moi je l'ai fait danser. Moi je dis, ouais, vous avez dansé du bébé, lui. Ouais, ça, c'est la moi je l'ai fait danser. Voilà. Toi, tu danses au bar un peu, ouais, juste un petit peu. Ouais, juste un petit peu. Ouais, et c'est Bernie qui danse le dombolo dans le jeu. Bernie au dombolo. Ouais. Mettez les vidéos, genre, j'ai envie de voir ça. Et puis il danse bien, Bernie. Ah, mais j'en doute pas un seul instant. Ouais. Hein, Bernie? Petite démonstration devant les caméras pour les gens qui regardent sur Skyrock pour FM. Non ? Pas tout de suite. Tard, on reviendra tout à l'heure à 2-3 heures du mat. On fera un essai. Bon, avant de se quitter, avant de retrouver la radio libre de Default tout à l'heure pour la libre antenne et pour passer en direct 01 53 40 30 20, on finit avec Africa ? Africa, ouais. Morceau en live maintenant avec le Magic System. Ça. Voici Africa. I love Africa. Yes, I love you, Africa. On va se chanter, te chanter. Peace and love in my Africa. Peace and love in my Africa. On va te chanter, te chanter. Peace and love in my Africa. Tous les matins j'entends à la radio parler des guerres et de la famine. Et le soir quand j'allume ma télé, je vois la misère de ces familles. Africa, berceau de l'humanité, il est temps pour toi de te lever. Jamais on n'épale plus de guerre. Hey, hey. Plus jamais ça sur mon continent. On va te chanter, te chanter. Peace and love in my Africa. Peace and love in my Africa. On va te chanter, te chanter. Peace and love in my Africa. Peace and love in my Africa. Notre maman Africa est malade. Elle a besoin de tous ses enfants. Nous ne voulons plus voir ses dégâts. Qu'elle redevienne la terre d'espérance. Africa de Nelson Mandela. Ne vois-tu pas pour s'entretuer? Et dans la mer, nous devons l'aider. On a espoir que ça va changer. On va te chanter, te chanter. Peace and love in my Africa. my Africa. On va te chanter, te chanter. Peace and love in my Africa. Peace and love in my Africa. Yeah. Peace and love. Yes, sir. In my Africa. Africa, Africa, yeah. Africa, Africa. Yeah. Love you, Africa. I love you. On va te chanter. Te chanter. Peace and love in my Africa. Peace and love in my Africa. On va te chanter. Te chanter. Peace and love in my Africa. Suna, Suna, Abba, Sibi, Abba, Sibi, Sibi, Sibi, Sibi, Africa, Africa, Africa, love you, Africa, love you, Africa, love you, Africa, love you, Africa, love you, Africa, Suna yo, Abba, Suna yo, Sibi, Abba, Suna. Yes, I. Yeah. Africa à l'instant. Pareil, c'est plein de petits messages aussi. On le disait dans Magic System, celui-ci. Ouais. Voilà pour l'Afrique. Oui, c'était pour l'Afrique. C'était tout simplement pour dire, au-delà de la joie que nous pouvons laisser transparaître, au-delà de l'ambiance que nous pouvons mettre, il y a aussi des messages forts pour le continent à lancer. Et quand on parle de paix et d'amour en Afrique, c'est très important. Le continent en a besoin. On voit au Soudan du Sud, il y a la guerre. Ouais. On voit au Congo, il y a la guerre. Au Nigeria, il y a Boko Haram. L'Afrique est remplie de beaucoup de mots. Et ces mots-là, il faut les éradiquer. Et nous qui sommes artistes, je crois que c'est à travers nos messages que nous pouvons véhiculer un message, des messages d'espoir. Et c'est très important pour nous de le faire. Et quand on chantait cette chanson tout à l'heure, c'est avec beaucoup de ressenti, avec quelque chose au cœur. Ça vient des tripes, cette chanson. Et c'est d'ailleurs la chanson que nous avons tous choisie unanimement comme coup de cœur sur cet album. Celui-ci, Africain ? Africain, ouais. Oui. Ouais. C'est le coup de cœur de l'album. On l'a fait vraiment avec le cœur. Parce qu'on parlait d'un continent qui nous tient. Ouais, et puis il y a un beau continent en plus qui est, voilà, justement qui est plein de bonheur, de joie. Et en effet, avec, bah, on le disait aussi, des moments de malheur terribles, des drames au quotidien aussi. Mais et on espère que ça, voilà, ça s'arrangera un petit peu comme la Côte d'Ivoire qui est sur un nouveau souffle maintenant. Un nouveau souffle en Côte d'Ivoire. Un nouveau souffle partout, au Mali aussi, partout en Afrique. Et nous voulons pas terminer toute cette semaine sur Skyrock sans avoir une pensée pour ces 276 lycéennes qui ont été enlevées au Nigeria, qui sont à la main des ravisseurs du groupe islamiste Boko Haram. Nous avons une pensée pour toutes les familles. Ça, c'est aussi des choses qui vous touchent. Ça nous touche beaucoup. Je disais, je suis un de mes postes qu'on n'a pas besoin d'être un parent pour savoir ce que ressent aujourd'hui les parents de ces familles-là quand vous avez votre enfant qui est enlevé à l'école par des extrémistes et qu'on menace de marier de force des enfants de entre 9 et 15 ans qui doivent être mariés de force, qui doivent être des esclaves sexuels. Il y a de quoi vraiment se pencher dessus. D'être très très inquiet, ouais. C'est, voilà, on est inquiet et on a une pensée pour toutes ces lycéennes et on a un soutien pour toutes les familles. On est de cœur avec eux. Vous avez fait la petite banderole. Il y a une petite banderole qui a été lancée via d'abord les États-Unis. Oui, ça c'est obligatoire de le faire. C'est un acte, même Madame Obama l'a fait. Donc on a dit bring back our girl. Ça veut dire ramenez-nous les filles à la maison. Voilà. Donc il faut les ramener à la maison et j'espère que ce message ne va pas passer inaperçu. Est-ce que justement il y a pas cette crainte que voilà que ce soit tellement des groupes qui sont isolés, qui sont aussi nébuleux, c'est un peu compliqué aussi pour tout comprendre tous ces groupes, notamment ce qui se passe en Afrique et dans le monde entier, j'ai envie de dire pas qu'en Afrique. Est-ce que justement des messages forts où il y a beaucoup de personnalités qui se mobilisent, est-ce qu'à un moment ou un autre vous pensez que ça peut arriver à leurs oreilles? Est-ce que ça peut? Ben ça peut. Moi je crois que le monde politique fait ce qu'il peut, mais c'est nous les artistes aujourd'hui, parce que nous sommes plus rassembleurs, les artistes et les sportifs, nous rassemblons plus de personnes et je crois que nos messages peuvent être encore plus forts et peuvent être entendus parce que nos messages sont mieux diffusés que les messages des politiciens. nous avons des messages qui ne sont pas forcément intéressés. Et ça n'a rien à voir avec le discours politique qui a envie forcément de plaire. Nous, on le dit parce que ça vient du fond de cœur. Et j'espère que tout le monde va participer, et les footballeurs, pardon, et tous les sportifs, et tous les musiciens, tous les artistes. Là, il faut briser la barrière de la langue, parce que le Nigeria, c'est un pays anglophone. Voilà, nous sommes des francophones. Mais le message peut passer en français, parce que Bob Marley arrivait encore à bercer des gens en Côte d'Ivoire, alors que nous étions un pays francophone. C'est vrai, voilà. C'est vrai. Bah, écoute, donc, en tout cas, il est universel, le message. On souhaite rapidement, ouais, que ça se résolve, et que, bah, ouais, que ces gamines rentrent vite chez leurs parents. C'est là où, ouais, elles seront mieux, en tout cas. Hein. Ouais. Et il faut que Skyrock aussi participe à cette campagne. Bah, avec grand plaisir. Voilà. Merci. Franchement, avec grand plaisir. Voilà. Si on peut faire quelque chose, si ça peut apporter un petit truc, voilà. Un petit truc, ouais. Même à chaque émission, un petit message, ça va réveiller tout le monde, parce que c'est pas tout le monde qui est au courant. Et puis voilà. Les politiciens, ils écoutent aussi la radio, donc ils entendent tout. Et qu'ils fassent quand même assez vite pour ces, parce que ça commence à. Ça commence à compter, à créer, hein, ouais. Ça commence à compter un peu, hein. Ouais, pour parce qu'il y a une vidéo qui est passée où toutes, ouais, les filles ont été contraintes à l'islam. Bon, à l'islam, je respecte la religion, mais il faut pas contraindre les gens à le faire, et c'est ce qui est en train de se passer. Et non, et puis d'autant plus pour moi, c'est des filles musulmanes, c'est des filles chrétiennes. Et puis d'autant plus pour moi, c'est même pas de l'islam à partir du moment où. Non, ça c'est de l'extrémisme. C'est de l'extrémisme, voilà, ça n'a rien à voir avec les religions. Non, moi j'ai eu un père musulman, mais c'est pas ce qu'il m'a enseigné de la religion musulmane. J'ai pas l'impression, en tout cas, voilà. C'est vrai que parfois on peut avoir des préjugés qui vont très vite, mais là-dessus, pour moi, ça ressemble à tout sauf de la religion. C'est de la haine pure. Derrière un truc, mettre des atrocités. Voilà. Et ben, on essaie vite que, voilà, on espère vite que les gamines rentrent à la maison, et une grosse pensée à tous ceux qui sont en souffrance, ceux qui nous écoutent aussi beaucoup en Afrique, on les salue un peu partout, que ce soit Afrique justement francophone, anglophone, toute l'Afrique en général, le Maghreb aussi, avec grand plaisir. Et on fait tourner la roulette maintenant avant de retrouver la radio libre de Difool. C'est parti. Skyrock t'offre le film événement Godzilla et ton lecteur Blu-ray 3D. Allô Naïma de Roubaix. Oui, c'est moi. Ça va bien Naïma? Ça va très bien, et toi? Bah écoute, en pleine forme, bienvenue dans le Planet Rap de Magic Merci. System. Je te présente tous les magiciens, ils sont là. Bah bonjour à tout le monde. Bonjour, enchanté. Salut. Naïma, tu es prête à faire tourner? Je suis prête. Allez, go. Dès que tu veux. Ah ouais, Naïma, il y a... Ah ouais. Il y a toute la famille. Ah, mais il y a une équipe à la maison. Naïma? Oui. J'ai pour toi 4 places pour aller voir le film événement, le film Skyrock qui est sorti hier, Godzilla. Et ce n'est pas tout, Naïma. Ouais. Le lecteur DVD Blu-ray? C'est parfait, merci. Il arrive à la maison, le lecteur DVD Blu-ray? Merci beaucoup. Et il est pour toi, Naïma. Je peux faire une petite dédicace? Vas-y, on t'écoute. Alors, je fais une dédicace à Adem et Nena. Je fais un gros bisou à mon grand frère que j'aime fort et à ma belle-sœur qui est super. Voilà. Eh bah terrible. Plein de bisous. Merci, bisous à vous. Bonne soirée. Eh bah bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Merci aux magiciens. Merci, mes frères. Merci. Demain, vous allez revenir. Ouais. En pleine forme pour la dernière de la semaine. En pleine forme pour la dernière. Et en attendant la sortie de l'album, c'est le 19 mai. Oui. À découvrir sur Skyrock encore demain soir entre 20 et 21. On va retrouver normalement Difool, chez qui vous avez fait un gros featuring. Ouais. Ah ouais, le meilleur featuring de notre carrière. On peut dire le meilleur featuring du monde. Du monde, hein. C'est ça. C'est ça. Et grosse surprise pour vous ce soir, si vous avez 5 minutes, les Magic System. Oui. Faudra venir nous voir dans la radio libre, et on a une petite surprise. Enfin, une grosse surprise pour vous. Fait tout en gros sur Skyrock. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce que c'est alors? Eh bien, restez dans le coin, vous saurez tout dans un instant. On va démarrer la radio libre, on vous attend en direct, à vous tous et vous toutes qui nous écoutez. Tout le monde était sur Skyrock, là j'étais dans la voiture, Fredo, tu me posais la question. Tout le monde sur Skyrock dans la voiture. Eh bien, on salue tout le monde. Le Magic System déchire tout. Demain soir, Magic System, le retour entre 20 et 21. Et puis bah, les prolongations dans la radio libre alors avec vous. Eh ben coup d'envoi. Allez, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. On vient voir la surprise. Ah oui, une belle surprise. Bon, ça c'est pas une surprise, la Marie est avec nous. Non, c'est pas une surprise, non. Samy, Karim. Salut. Momo, tout le monde est là, c'est parti, vous aussi. On est là. Radio libre, on attaque tout de suite. Dans quelques secondes. Allez, feu d'artifice, c'est parti. Zou. Allez, zou. Tous les matins, 6h-9h.